dans mes poches y'a des poings bien serrés. Mon regard à la lueur des jours mauvais. Pourquoi se taire, y'a tant d'enculés. Tous ces gros bonnets qui sont à gerber. J'aimerais les gainer, me lâcher. Leur faire la fête à s'étarer. Mais à quoi bon la violence. Cette question est-elle une évidence. Je vous en prie, je vais pas vous arrêter. Doit bien rester quelques plages à polluer. Dans vos paroles y'a tant de fierté. Sur les millions de dollars que vous brassez. De temps en temps un pétrolier par là. Ça peut pas faire tant de dégâts. Vous n'êtes qu'une bande de petits salauds. C'est tout ce que je trouve pour vous le dire en mots. Tu te souviens aux dernières élections. L'autre fou avec ses idées à la con. Il avait bouleversé l'opinion. Dans toutes les villes on était des millions. Tous ces politiciens véreux. Du coup ont eu des votes pour eux. Qu'ont tipé depuis ces couillons. À part le fait de nous prendre pour des cons. Y'a un amateur qui s'est tué. Dans le Paris-Dakar une voiture renversée. Ça fait la une sur toutes les télés. On connaît le, il était fatigué. Il voudrait quand même pas que je pleure. Pour un petit mec dont le moteur bouleverse le silence du désert. Y'a des fois faut garder les pieds sur terre. L'autre nazi bat l'affaire en Irak. Sa petite guerre condamnée par Monsieur Chirac. Innocent en février attaque. C'est vous qui payez le prix de l'arnaque. Comme d'habitude c'est pas nouveau. Vous allez payer de votre peau. La connerie de nos dirigeants. Dieu ne verront pas couler leur sang. Alors si le petit prince il existe. J'aimerais qu'il revienne nous rendre visite. Depuis qu'il est parti, je suis triste. C'est pas sa faute si l'homme persiste. De sa grandeur dans la connerie. Ne me dites pas que c'est la vie. Je veux pas vous croire, ça me calme pas. Mais putain merde, j'ai un cœur qui bat.